Chapitre 28. Les sablières. Nom d'un trompe-l'œil ! S'exclama le baron Melchior. C'est donc ici qu'ils mènent vos fameux sabliers bleus ? Ces conditions d'hygiène sont épouvantables ! S'indigna-t-il. Thorne, pour sa part, ne sourcilla même pas. Il avait déjà plongé son grand nez dans les registres comptables de la manufacture. Oh, ça ! C'est parce que vous voyez les sablières de l'extérieur, dit tranquillement le chef d'atelier. Je puis vous assurer que chacune d'elles est absolument conforme aux normes de salubrité publique. Et nous passons le balai tous les jours, souligna-t-il avec une pointe de malice dans la voix. Il se dirigea vers l'escalier métallique qui jouxtait la passerelle. Pour accéder au hangar, c'est par ici, messieurs dames. Nous avons un monte-charge, mais il a besoin d'une petite révision mécanique. « Faites attention où vous posez les pieds !» ordonna Thorne à l'adresse d'Ophélie. Elle ne souffrait pas du vertige, mais elle prit l'avertissement au sérieux. Les marches étaient nombreuses, étroites et mal éclairées, et il y avait beaucoup de niveaux à franchir avant d'atteindre le sol du hangar. À chaque palier, elle se penchait pour mieux observer les lits du hangar, des silhouettes surgissant et se volatilisant derrière les rideaux de mousseline, le temps d'un tour de sablier. Ophélie était encore trop haut et trop loin pour bien les distinguer dans la lumière bleutée des lampadaires, mais elle se demanda comment ces gens faisaient pour ne pas avoir conscience de leur environnement. Aucun d'eux n'avait jamais eu la curiosité d'ouvrir les rideaux de son lit à baldaquin. Alors qu'elle continuait sa descente, Ophélie sentit une haleine chaude contre son oreille. Elle se retourna et aperçut Thorne qui franchissait le palier du dessus. Ce n'était pas son souffle à lui qu'Ophélie avait senti. Il se tenait trop loin. Était-ce Vladislava qui la collait d'aussi près? À peine eut-elle formulé cette pensée qu'un violent choc dans la poitrine lui coupa la respiration. Sa surprise fut telle qu'elle ne comprit pas tout de suite pourquoi la rampe lui glissait entre les doigts, pourquoi ses pieds décollaient du sol et pourquoi ses cheveux s'éparpillaient devant ses lunettes. Elle tombait. Elle allait se briser les os sur une interminable succession de marches. Avec un sentiment d'irréalité absolue, Ophélie bascula en arrière sans pouvoir se raccrocher à rien d'autre qu'à la vision de Thorne en train de tourner une nouvelle page de registre. Quand elle s'écrasa de tout son poids, ses poumons se vidèrent de leur air et un choc lui traversa le coude comme un courant électrique. Elle fixa bêtement, à travers ses lunettes à moitié décrochées, le visage moustachu qui était penché sur elle. Un gendarme s'était précipité pour la réceptionner dans ses bras. « Ça va, mademoiselle ? Mademoiselle ? Pas de casse ?» Le gendarme s'exprimait d'une voix confuse sous ses moustaches en guidon et souffrait d'un léger strabisme qui le faisait loucher. Ophélie n'était pas prête d'oublier ce visage-là. Elle lui devait peut-être la vie. « Oui, » bégaya-t-elle dans un filet de voix, le souffle encore coupé par le choc. « Merci, vraiment. » Levant enfin le nez, Thorne fronça les sourcils en voyant le gendarme aider Ophélie à se remettre sur ses jambes. « Je vous avais dit de faire attention. »« J'ai fait attention, » se défendit Ophélie. « Ce n'était pas ma... » Elle se tut avant d'achever sa phrase et contempla les marches qu'elle avait bien failli dégringoler sur le dos. Elle avait la certitude d'avoir été bousculée par une présence invisible, mais elle refusait de croire que c'était là un acte délibéré de Vladislava. La déchue les avait protégés des chroniqueurs, et Thorne s'apprêtait à défendre la cause de son clan. S'en prendre maintenant à Ophélie n'avait aucun sens. Ne remettez plus jamais les pieds à la cour. Et si ce n'était pas Vladislava qui se tenait en ce moment parmi eux? Ophélie se tint prudemment à proximité des gendarmes, en particulier de celui qui l'avait rattrapé au vol, tandis que le chef d'atelier leur faisait visiter les lieux. C'est le principe du dégoupiller profiter, commenta-t-il d'une voix joyeuse qui se répercuta à travers tout le hangar. Pendant longtemps, nous n'avons produit que des sabliers classiques de type collection verte ou collection rouge, des allers-retours vers des destinations standards, quoi. Un jour, la mère Hildegarde nous a dit, comme ça, Eh, Biérécitos, si on inventait un sablier qui transporte les gens tout droit dans un rêve. Elle est ainsi, la mère. Elle a toujours des idées complètement folles. Et elle trouve toujours le moyen de les réaliser. » Frigorifiés par l'air glacial du hangar, ils s'avancèrent tous ensemble entre les rangées de lits. Ophélie les trouva impressionnants vu de près. Ils ressemblaient à de véritables bateaux avec leurs cadres sculptés comme une proue et leurs immenses rideaux blancs pareils à des voiles. La seule façon de se repérer au milieu de cette flotte navale immobile consistait à suivre les panneaux directionnels. Illusion standard pour dame, illusion standard pour homme, illusion de jouvence, illusion spéciale enfant, illusion réservée aux domestiques, illusion bonus fidélité, etc. Pour créer une sablière, poursuivit le chef d'atelier, la mairie de garde se contente de prélever un échantillon d'espace sur un matelas et de le glisser dans une fiole de sablier. Un échantillon d'espace ? L'interrompit Ophélie. Oui, mademoiselle. Je serais bien embarrassée de vous expliquer à quoi ça ressemble, mais la mairie de garde n'a jamais raté son coup. L'atelier confectionne les sabliers de façon qu'elle n'ait plus qu'à verrouiller le couvercle et enclencher la goupille une fois qu'elle a fini son travail. Nous installons ensuite le matelas ici, dans son joli cadre de bois, avec des draps bien propres comme il faut, souligna le chef d'atelier en tournant son sourire vers le baron Melchior. Et quand c'est fait, un illusionniste professionnel se rend là-bas, au dépôt, ajouta-t-il en désignant une grande porte industrielle à double battant au fond du hangar. Il transforme ces lieux ordinaires en pays des merveilles. Je vous laisse juge du résultat. Ophélie regarda attentivement les sablières autour d'elle. C'était la fantasmagorie la plus grotesque à laquelle elle avait jamais assisté. Des ombres ne cessaient d'apparaître et de disparaître derrière la mousseline des rideaux, une robe à crinoline renversée d'où émergeaient deux jambes secouées de rire, un vieux barbon en train de bondir sur son matelas comme un écolier, une silhouette en perruquée sanglotant de joie dans son oreiller. Certains laissaient échapper des gémissements lascifs dans des postures plus qu'équivoques. Ophélie se sentit gênée pour tous ces gens, tandis que les gendarmes entrouvraient les baldaquins des lignes le temps d'une inspection rapide, mais rien ne semblait pouvoir les sortir de leur envoûtement. « Quand je pense qu'hier encore, j'étais ici, parmi eux !» soupira le baron Melchior d'une voix consternée. « Vous êtes pourtant vous-même un mirage ?» s'étonna Ophélie. « Il ne vous est pas possible de déjouer ce genre de charme ?» Un mirage n'est immunisé que contre ses propres illusions, mademoiselle la grande liseuse familiale. Il est aussi le seul à disposer du pouvoir de les annuler. De ce fait, toutes les créations d'un mirage disparaissent à sa mort. Nous pratiquons un art éphémère, dit-il avec un sourire mélancolique sous ses moustaches. Ça me navre à chaque fois de penser que ni mes cravates musicales, ni mes bijoux parfumés, ni mes robes kaléidoscopiques ne me survivront. Les illusions ont toutes besoin d'un coup de pouce pour opérer, voyez ? Continua le chef d'atelier. Un signal, si vous voulez. Il entre d'abord par les yeux avant d'atteindre la cervelle. Tant que vous ne regardez pas notre coup de pouce, vous ne voyez pas l'illusion et vous ne ressentez pas ses effets. Vous simplifiez exagérément, protesta le baron d'un ton professoral. Nos illusions agissent préférentiellement par la vue, mais... il existe aussi des stimuli auditifs, tactiles ou olfactifs. Nous pouvons réaliser des œuvres d'art très complexes, même si nous n'avons pas tous les mêmes spécialisations. Selon qu'on est paysagiste, décorateur, couturier, on privilégiera certaines sensations plutôt que d'autres. Je vous accorde toutefois que les yeux restent notre amplificateur de prédilection. Ophélie eut une pensée pour le monocle noir de Gaël, qui avait la propriété de filtrer toutes les illusions. Puis-je connaître le nom de l'illusionniste professionnel qui travaille chez vous ? Demanda le baron Melchior en désignant de sa canne le lit le plus proche. Pour avoir dégusté ces illusions-là de l'intérieur, je peux affirmer qu'elles sont diablement efficaces. J'en suis toujours ressorti, bouleversé, et je n'ai jamais pu me rappeler exactement pourquoi. C'est comme... sortir d'un rêve merveilleux qui ne vous laisse qu'une très forte impression. Le chef d'atelier gloussa en soulevant sa casquette du pouce. « Je n'en ai pas la moindre idée. Nous ne l'avons jamais croisé à l'atelier. Il ne se rend qu'au dépôt. Seule la mairie de garde pourrait vous donner son identité. » Ophélie sursauta. Un gendarme fut soudain secoué par un fou rire incontrôlable alors qu'il procédait à l'inspection d'une sablière. Il lança son bicorne dans les airs, exécuta de petits pas de danse et envoya des baisers à un public imaginaire en s'exclamant à tue-tête « La vie est belle, mesdames et messieurs !»« Ah, celui-là a trouvé notre coup de pouce !» commenta le chef d'atelier. « Il a dû regarder le plafond de lit !» Thorne était si enfoncé dans ses registres qu'il ne prêta aucune attention aux gendarmes qui essayaient à présent d'entraîner l'un de ses confrères dans une valse passionnée. « Avec tout ça, nous n'avons encore retrouvé personne, » lui murmura-t-elle. « Vous cherchez quoi, exactement, dans ces contes ?» Thorn émit un grommellement grincheux et Ophélie songea qu'elle aurait elle-même voulu avoir quelque chose à lire, n'importe quoi, qui lui permettrait d'accélérer l'enquête et de se sentir moins impuissante. « Et les sabliers jaunes ?» demanda-t-elle en se tournant vers le chef d'atelier. « Reynold, un ami, m'en a parlé une fois. Il m'a dit que c'était exactement comme des sabliers bleus, mais en aller simple, sans aucune limitation de temps. Vous en produisez, ici ?»« Certainement pas, » affirma le chef d'atelier d'un ton catégorique. « Ce serait beaucoup trop dangereux. Les sabliers jaunes sont un mythe, destiné à faire rêver la Valtaille, rien de plus. Imaginez un peu que vous restiez coincé à l'intérieur d'une de ces illusions, » dit-il en montrant le gendarme qui souriait encore avec une expression béate. « Vous mourriez de plaisir avant même de mourir de déshydratation. Cela dit, quelqu'un d'un tant soit peu habile pourrait modifier n'importe quel sablier. » admit-il avec une étincelle malicieuse dans les yeux. « Installer un dispositif de retournement automatique, ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. » Ophélie acquiesça songeusement. Un dispositif de retournement automatique. C'était probablement cela, le piège qu'Archibald avait détecté sur le sablier dont elle avait lu la goupille. « Nous avons inspecté toutes les sablières, monsieur !» annonça un gendarme en claquant des talons devant Thorn. « Les portées disparues ne se trouvent pas ici. »« Rien à signaler non plus au dépôt !» dit un deuxième gendarme qui revenait de l'autre côté du bâtiment. Ophélie sentit les muscles de sa gorge se contracter. Bien sûr, elle s'y attendait, mais elle avait vraiment espéré voir Archibald surgir du baldaquin d'un lit, en bâillant. Le chef d'atelier, lui, ne parut pas déçu du tout. Il se fendit d'un sourire qui dévoila une denture en piteux état. « À la bonne heure! Comme vous voyez, notre fabrique n'est pas impliquée dans votre affaire !»« C'est faux. » Thorn avait déclaré cela sur le simple ton du constat.